Merci beaucoup pour ton intervention, Monique, qui a très bien montré, évidemment, aussi la place, l'importance des publications autour de la vidéo militante au sein donc de l'ensemble des publications, notamment autour de Guy, de la constellation Guy Hockenheim, excusez-moi, là j'ai fait un petit pas de côté, Guy Hennebelle. Donc la place donc, qui était accordée à la vidéo, et vous avez compris évidemment que les sources autour de la vidéo militante sont somme toute assez éparpillées dans des revues et des dossiers consacrés au cinéma militant. On en trouve aussi dans des journaux dits de contre-culture, mais comme Actuel dans les années 70. Mais somme toute, les sources sont relativement rares à être consacrées spécifiquement à la vidéo militante. On va trouver au cours des années 70 un certain nombre de titres autour de la vidéo. L'un est particulièrement important, je vais le citer, on l'avait déjà cité au moment de la séance d'introduction, mais c'est le périodique Vidéo Info, qui est créé dès novembre 1972, mais qui sera terminé dès 1977, donc à une période de vie extrêmement courte, 5 ans, qui est une revue qui commence par, c'est une sorte de feuille de chou au début, renéotypée, qui est bien conservée, que l'on trouve en revanche pour les tout premiers numéros quand même à la Bibliothèque nationale de France, et qui avait pour ambition d'être un instrument de liaison, de coordination, d'information entre tous ceux qui faisaient de la vidéo et tous ceux que cette question intéressait. Donc dans les tout premiers numéros, la question de la vidéo militante est assez abondamment abordée. Je citerai un autre périodique qui est Sonovision, qui sera accompagné aussi de Sonovision Hebdo, entre 1971 et 1981, donc pile poil, si j'ose dire, la période qui nous concerne. C'était une publication qui était sous-titrée « L'audiovisuel au service de la promotion, de la formation, de l'information », qui avait un certain nombre de sections pour ce qui est de la feuille hebdomadaire qui concernait notamment les tendances. Donc il y a des éléments techniques qui concernaient aussi la télédistribution, donc toute la part, je dirais, militante de la vidéo est réintégrée dans un contexte dont nous allons pouvoir aussi avoir une vue plus d'ensemble, je dirais, avec Patrice Flichy. Et puis je citerai deux autres revues qui ont été aussi consacrées à la vidéo dans les années 70, un peu plus tardives. Interférence, qui était citée par Jean-Luc Lioult et qui a une durée de vie entre 74 et 79, qui était une revue très importante autour des radios libres et des autres outils de communication électronique émergents. Et enfin, Vidéoglyphe, il y a eu très peu de numéros en revanche, entre 79 et 80, et finalement la part militante de la vidéo était extrêmement peu évoquée. On parle essentiellement d'art vidéo dans cette publication, qui, par le biais de personnalités comme Neil Yalter, peuvent quand même rejoindre un certain nombre de problématiques politiques, mais je dirais que c'est relativement marginal. Donc un certain nombre de périodiques spécifiquement consacrés à la vidéo, mais somme toute relativement peu. Donc nos principales sources seront les ouvrages, toujours d'Anne-Marie Duguay, que nous avions accueillis au moment de l'introduction du séminaire. Bien sûr aussi l'ouvrage plus récent d'Yvonne Mignot-Lefebvre, et puis des articles qu'il s'agit aussi de rechercher. Je pense notamment à un certain nombre d'articles, évidemment, de Jean-Paul Fargier, mais pas uniquement.